Mardi 12 mars 2013, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour cette émission, encore une fois, fort chargée. En cours d'émission, on discutera avec Céline Marcotte et José Landry-Sirois autour de l'exposition « Quelque chose derrière ça » qui résulte d'un atelier que José Landry-Sirois a fait avec des gens, avec bien entendu Folliculture. Donc, c'est présenté dans le hall du complexe Jacques-Cartier. Anouk Deloge viendra nous parler de l'exposition « Ébranlement de Patrick Bérubé qui est présenté au lieu exposition qui a lieu dans le cadre du 30e anniversaire de l'endroit. Également, Ariane Plante viendra nous parler de sa promenade sonore qu'elle présente dans le cadre du 20e anniversaire d'Avatar samedi prochain à 13h. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et dans les oreilles, ben, Simon Roy, bonjour. Bonjour. Excuse-moi, j'ai eu de la misère à t'introduire. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Un peu de musique expérimentale électronique. J'ai pas beaucoup d'informations à propos de l'artiste. Son nom d'artiste, c'est Audioka. C'est Gian Pedro Claudio, donc, qui nous vient de la Suisse. C'est ce que je vous présente, c'est donc un enregistrement d'un set live qu'il a fait. C'est un festival itinérant qu'il y a en Suisse, vraiment intéressant. Ça peut rappeler un peu les pique-niques électroniques à Montréal, mais c'est un festival donc qui se passe en Suisse, dans différents parcs, différentes villes en Suisse. Puis donc le but, c'est de faire découvrir la musique électronique ou tout genre confondu, mais principalement électronique. Donc, le festival, c'est les digitales. C'est un album, donc, c'est ça, j'ai sélectionné 4 pièces de sa prestation. Ça mélange un peu field recording, un peu de collage audio, puis enrobé de sonorités électroniques. Un album vraiment intéressant, une belle découverte cette semaine. Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup. Fait plaisir. Puis on t'écoute dimanche soir à 21h avec Web Musique. Puis en attendant, on écoute la pièce numéro 2, tout simplement. Oui, on y va. C'est bon. C'est seulement des numéros pour les pièces. C'est bon, je ne sais pas s'il fallait que je dise numéro 2 digital ou si c'était le lien avec le titre. Donc voilà, on écoute la pièce numéro 2. On vient d'entendre un extrait de l'album Les Digitales d'Audioka. C'était une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez d'ailleurs trouver les liens pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, bien entendu, l'émission en balado-diffusion, des communiqués de presse et la revue de presse, oui, de Raymond Poirier que j'accueille. Bonjour Raymond. Bonjour Julie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Il se passe sûrement pas mal de choses. Il se passe quelques éléments, effectivement, notamment des prix, des récompenses qui ont été annoncées. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, en fait, le Conseil des arts du Canada qui a annoncé les lauréats 2013 des prix du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques. On rappelle que les œuvres des artistes choisis sont aussi vastes et diversifiées que les artistes eux-mêmes et comprennent des documentaires sur la vie sur la côte Est, des vases plus grands que nature, des œuvres performances, des sculptures publiques. Alors, les lauréats sont donc Marcel Barbeau, peintre et sculpteur, qu'on connaît, évidemment, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être présenté. Rebecca Belmore, artiste en art visuel, qui elle est de Winnipeg. Une réalisatrice, un réalisateur, William D. McGillivray, de Roseby, en Nouvelle-Écosse. Une autre figure qu'on connaît de mieux en mieux à Québec, Arnon Monahan, artiste en art audio, qu'on a vu notamment au dernier mois multi. Également, un artiste potier, Greg Pace, de Calgary. Chantal Pontbriand, commissaire d'exposition et d'événements, critique d'art également. Et enfin, Colette Whitten, sculpteur et installatrice qui nous vient, elle, de Toronto. Alors ben voilà, donc ce sont eux les lauréats, donc 2013, des prix du gouverneur général. Et sinon, on a eu aussi la sélection des finalistes du prix de photographie Banque Scotia 2013, qui est l'un des principaux prix là, côté photographie au Canada. Et ben en fait, donc les trois finalistes, c'est donc Stan Douglas de Vancouver, qui lui crée des films, des photographies et des installations qui montrent des lieux particuliers ou des événements du passé sous un jour différent. Il y a également donc une Montréalaise, Angela Guerrals, qui elle travaille donc à des œuvres comme par exemple exemple de Portraits de 83 à 85 qui est son œuvre majeure. Donc elle remet en question les normes admises de la photographie, tant au point de vue que du contenu et de la méthode. Et également c'est une enseignante. Et enfin le troisième, également montréalais, c'est Robert Walker, donc un artiste qui s'affaire depuis 30 ans à, dit-on, repousser les limites de la photographie. Donc il s'est intéressé aux photos de rue des années dans les années 70 et pendant plus de 30 ans à intéressé dans les zones urbaines denses. Il s'est tourné depuis 5 ans vers la nature et la photographie animalière. Voilà. Voilà. Sinon, des petites controverses, des petits sujets à débat. Allons-y plutôt avec ça. On sait, donc, il y a eu la journée de la femme, journée internationale des droits de la femme, en fait, le 8 mars dernier. Et à cette occasion-là, donc, des organismes en art visuel, dont le regroupement des artistes en art visuel du Québec, le RAV, ont fait une proposition en remarquant que le prix Paul-Émile Bordua avait été donné seulement à 8 reprises dans toute son histoire depuis 1977 à des femmes. Il y a 28 hommes qui l'ont reçu, 8 femmes. Ils disent, mais regardez, il y a peut-être une disparité là-dedans qu'il faudrait corriger. Alors, eux proposent donc que ce prix-là soit donné en alternance, une année à un homme et l'autre année à une femme, donc par équité. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver des manières d'affirmer avec force la place des femmes dans le domaine des arts visuels, puisque, et je cite, elles sont majoritaires au sein de la profession. Alors, ce qu'on dit, c'est, regardez, demandons donc une équité dans les prix. Ils ont un sondage d'ailleurs sur leur site pour voir un peu qu'est-ce que les gens en pensent. Qu'est-ce que les gens en pensent? Je suis curieuse. C'est assez partagé, en fait. Ça peut être considéré comme une discrimination positive aussi, donc... Exactement. En fait, c'est que ça ramène à d'autres critères que la valeur purement artistique de la candidature. Alors, c'est un peu la nature du débat qui ont lancé, dans le fond, en faisant cette proposition-là, mais je pense que c'est un peu aussi l'intention à tout le moins de faire discuter, de réfléchir sur la place des sexes et évidemment la place de l'art aussi dans les critères de sélection. Oui, mais en tout cas, la discussion, j'imagine qu'elle est lancée parce que moi, j'ai plusieurs réflexions qui s'allument dans ma tête. Alors, en fait, si jamais d'ailleurs les gens ont des réflexions là-dessus, pourquoi pas l'aérospatial.wordpress.com, merci. Oui, ou sinon l'adresse courriel. Oui, mon Dieu, aérospatial.ckrl@gmail.com. Excuse-moi Raymond, ça fait tellement longtemps avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, on est sur Facebook, au passage. Et autre élément à surveiller, du côté de l'Espagne, on en parle dans différents médias, en fait un peu partout. On en a parlé la semaine dernière au Québec, il y a des coupures dans les musées. Il y en a dans d'autres pays, dont l'Espagne. Évidemment, dans la situation des politiques publiques et des argents publics et dans laquelle ils se trouvent, c'est un des secteurs donc qui est coupé. On parle de réduction des financements de près de 33% pour certains musées, 30% pour le Prado, 25% pour l'Arena Sofia, 33% pour le Thyssen-Bornemisza. Et donc, ce qui se passe, c'est que eux sont obligés justement de trouver d'autres stratégies pour augmenter leur rentabilité, notamment l'idée d'ouvrir les musées 7 jours sur 7, avec d'un personnel réduit, mais à tout le moins de rendre le musée disponible de manière plus large. Également, ce qu'on mentionne, c'est qu'on va tenter du côté de l'Espagne de multiplier les opportunités de voyage des œuvres, donc essayer de favoriser cette piste bénéficie de revenus-là et donc à travers les échanges internationaux d'aller chercher des revenus. En même temps, un disque va regarder en parallèle, ça va nous amener aussi à rendre nos collections un peu plus disponibles. Évidemment, ça, c'est les volets plus positifs, entre guillemets, des réflexions et des actions qui sont entreprises. Évidemment, les coupes budgétaires entraînent aussi leur lot de conséquences peut-être un peu plus grises. Oui, probablement. Et pour terminer, petite controverse sur Facebook, ça s'en vient sporadiquement. On en avait parlé, je crois, dans les premières années de l'aérospatiale, mouture Julie Gagné, autour de l'origine du monde de Courbet sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Et maintenant, ben, c'est un autre, une page, cette fois-ci, une page du musée Jeu de Paume qui a été censurée du réseau par le réseau social. Eux, dans le fond, présentent une exposition autour, notamment de photos de femmes nues. Mais évidemment, des photos artistiques de femmes nues. Oui, oui. Et donc, pour promouvoir leur exposition, ben, avaient mis des photos tirées de leur exposition. Le réseau de socialisation qui a décidé, ben, regardez, non, c'est de la pornographie. Donc, a demandé à ce que les photos soient retirées. Eux disent, ben, on les a retirées parce qu'on veut pas perdre la page, mais c'est pas de la pornographie, c'est de l'art. Donc, ça relance encore une fois le débat à savoir, donc, est-ce que un nu peut être artistique ou est nécessairement pornographique indépendamment de ses qualités artistiques? Est-ce que débat réellement il y a à y avoir? Ben, en fait, il y en a encore un. Il y en a encore un parce que c'est pas la première histoire et je pense qu'à peu près, en fait, si j'en parlais à chaque fois que ça sortait, on en parlerait pratiquement une fois par mois dans les notules de revues de presse. Donc, il y a encore ce débat-là qui est à refaire de toute évidence. Et, ou à clore. Ou à clore. mais donc, dans le fond, c'est une frontière qui, semble-t-il, pour certains sites et certaines perspectives, ben, reste encore très mince. Bon. Disons-le comme ça. Ben, c'est un peu décourageant, tout ça. Un tantinet. Raymond, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on t'écoute à La Vie en BD vendredi 17h30. Comme à l'habitude, notamment, en fait, on va parler d'une exposition rétrospective du fanzine Le Bob qui est présentée au Foubar. Voilà. Donc, on s'en va en pause audio. On écoute la pièce numéro 3 d'Audioca et au retour, on discute avec Ariane Plante. Retour à l'aérospatiale, Julie Gagné toujours avec vous, accompagnée d'Ariane Plante. Bonjour Ariane. Bonjour Julie. Ça va bien? Ça va bien, toi-même. très bien. Dis-moi, Ariane, tu proposes pour le 20e Avatar, oui, pour le 20e anniversaire d'Avatar, une promenade sonore samedi prochain? Oui, c'est ça. Donc, samedi le 16 mars, c'est à l'invitation d'Avatar. Dans le fond, c'est un projet qui trouvait qu'il cadrait bien dans ma démarche. Donc, on va aux sources de l'art audio. C'est de l'art audio manière brute, là, sans aucun soutien technologique. On part en promenade dans la ville, écouter le paysage sonore urbain au fond. Voilà, donc c'est ça, une promenade qui va durer environ une heure et demie, dépendant de notre rythme de croisière. Ben ouais. Et à travers laquelle on va passer plein d'espaces sonores différents. Et dis-moi, Ariane, parce que c'est quand même assez particulier, là, comme tu dis, c'est vraiment, là, on est aux sources brutes là, de l'art audio, là, c'est-à-dire le son à oui. la base. Comment as-tu choisi tes sons? Est-ce que c'est des choses que tu avais, tes endroits, c'est des endroits que tu avais remarqués ou c'est vraiment une recherche que tu as faite pour... Bien, j'ai vraiment parcouru la ville pour ce projet-là. C'est certain qu'il y en a, il y a des espaces que j'avais déjà expérimentés, mais j'ai choisi quand même de ne pas aller vers ces espaces-là que je connaissais déjà, d'essayer des nouveaux endroits. J'ai mes lieux de prédilection, les abords de la rivière Saint-Charles, mais là, j'ai choisi un segment où je ne vais pas souvent, où je passe plus souvent en vélo qu'à pied. Puis c'est un assez court segment parce qu'à ce temps-ci de l'année, quand même, il y a des lieux où c'est plus difficile de marcher. Surtout avec la pluie qu'il vient d'y avoir. C'est ça, là. Fait, alors, j'ai vraiment choisi, je suis même allée dans des quartiers où je ne vais plus jamais marcher, par exemple, dans le Vieux-Québec, sans vouloir trop révéler, mais tout de suite à l'avance, mon parcours qui est encore secret, mais quand même, je parcours une partie du Vieux-Québec. Je trouve que c'est un lieu qui mérite d'être réinvesti, mais aussi d'être regardé avec un nouvel œil, mais écouté ouais. avec une nouvelle oreille. Donc, aller dans des petits raccoins et tout ça, écouter les sons qui nous entourent. Puis, habituellement, on passe dans les rues, on entend plein de sons, mais on n'est pas vraiment attentif. On filtre, en fait, tu sais, parce que... Complètement. Puis même que ça devient une espèce de masse sonore où on entend les voitures, la ventilation, les gens qui passent, mais on s'attarde pas à toutes ces couches qui ont une certaine finesse, puis beaucoup de poésie, finalement. Alors, c'est un peu à ça que les gens vont être conviés samedi prochain, en après-midi. Tu disais, justement, poser un nouveau regard. Moi, c'est quelque chose, en fait, quand je préparais mon entrevue, je me suis dit... La vue, c'est habituellement notre sens prédominant. Bon, c'est pas tous les gens qui sont visuels, mais nécessairement, on va plus faire confiance à nos yeux parce qu'on le voit plutôt qu'à nos oreilles. Même chose, on se promène, tu disais, dans le Vieux-Québec, on le regarde. Bon, là, on commence peut-être à le connaître par cœur. Alors qu'on n'a pas l'habitude de prendre le temps d'écouter, de s'arrêter et d'écouter. Et ça, c'est quand même une expérience qui peut être assez surprenante. Vraiment, puis ça amène vraiment une présence différente à ce qui nous entoure. Puis moi, je me rendais compte en faisant la promenade que ce que je vois influence ce que j'entends et ma manière d'entendre influence aussi comment je vais apprécier ce que je vois. Donc là, il y a une interaction entre l'oreille et l'œil qui est vraiment, que je trouve intéressante, mais la promenade va se dérouler entièrement dans le silence. Donc les gens, ça va vraiment être un petit pèlerinage où les gens vont être amenés à vraiment se concentrer sur ce qu'ils entendent puis leur sens pendant qu'on marche. Donc aussi les sons qu'eux produisent pendant la marche, à s'attarder aussi à d'où viennent les sons. Est-ce qu'ils s'éloignent? Est-ce qu'ils se rapprochent? Est-ce que c'est eux qui les produisent avec leur pas, le sol, comment ils influencent les arches? Parce qu'on le sait, dans le Vieux-Québec, la largeur des rues, la manière dont l'espace autour est configuré va avoir un impact sur notre façon, sur la résonance de nos pas et tout ça. Donc, c'est tout ça mélangé ensemble qu'on va être appelé à observer. Ou à expérimenter. Vraiment. Et quand je préparais mon entrevue aussi, je pensais à Klondike que tu avais présenté, dont tu avais été commissaire avec oui. Mélanie Bédard, je oui. crois, sur la patinoire de Lens-aux-Lièvres. Oui. Puis je me disais, deuxième projet, théoriquement, en hiver. Là, je me suis demandé, est-ce que la saison t'inspire? Parce que la texture sonore aussi est différente l'hiver de l'été. Puis, est-ce que c'est toi qui as choisi la date? Non, c'est pas moi qui ai choisi la date. Puis, c'est quand même un moment particulier pour faire une promenade sonore. Je serais très curieuse de proposer la même promenade au mois de juin. Parce que, en fait, sans le déplorer, mais je remarquais que finalement, quand on marche dans la rue en hiver, on n'entend pas tous les échos qui viennent des maisons, tout ce qui se passe. Les gens sont moins présents dans les rues, dans les ruelles ou les cours arrière. Et là, ce à quoi on a le droit, c'est vraiment les sons de la ville, les sons des édifices, des bâtisses, des voitures. Mais on n'a pas accès à à part si on passe sur une rue très passante où il y a eu de l'animation plein de passants, on a, c'est pas du tout le même paysage sonore. Donc moi j'aime beaucoup l'hiver pour son son, mais là on n'est plus en hiver, on est vraiment à cheval, ça fond partout, donc on qui sait, peut-être qu'on va entendre l'eau qui s'écoule. Ça c'est très présent, les gouttières, les caniveaux dans le système d'aqueduc, ça c'est vraiment un élément que j'ai remarqué beaucoup. Mais c'est certain que l'hiver, l'été, le son non seulement voyage pas de la même façon, mais en plus on n'a pas accès à la même banque de sons dans le fond. Puis même notre habillement aussi, tu sais, je me faisais une blague dans ma tête, je me disais, tu sais, amenez pas vos cache-oreilles. Exactement. Tu sais, si t'as un gros foulard, si t'as une tuque, si t'as un capuchon, tu vas appréhender d'une manière différente aussi. Complètement. Puis s'il pleut, puis qu'on a des parapluies, donc là, le son va être complètement transformé. Puis bon, moi, j'ai décidé de fabriquer des petits cornets en carton de couleur. Ah ouais? C'est très instrumental. Non, pas pourtant, faut que ça change pas grand-chose dans notre écoute du son, mais au moins pour inviter les gens, quand moi, j'identifie un son, ou quand eux, ils en identifient un, qu'on puisse focusser, attirer l'attention, comme on parle pas, puis ben c'est ouais. En silence, donc c'est une manière gestuelle là, de pointer d'où viennent les sons, puis de s'y attarder davantage. Là. Mais est-ce que tu vas quand même faire une préparation avant de partir, leur dire un peu qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que tu as voulu faire avec ça? J'imagine que tu vas... Oui, je vais donner quelques consignes. Là. C'est sûr que j'ai beaucoup discuté pour établir un peu les paramètres, parce que je faisais ça, puis il y avait beaucoup d'inconnus. Puis il y a Caroline Gagné, qui est une artiste en art, sculpteur, artiste en art médiatique, là, je ne sais ouais. plus comment la classer, mais qui a fait une promenade comme ça à Percé pendant l'été, donc elle m'a donné plein de conseils. Alors c'est sûr que ça a été judicieusement utilisé, puis il y a beaucoup de ces conseils que j'ai réutilisés puis adaptés à ce projet-là, mais c'est ça. Fait qu'il va y avoir des consignes qui vont être données à prime abord, donc avant le départ, puis il va y avoir un petit échange à mi-parcours aussi. Donc ça, c'est intéressant. Pour pouvoir ventiler un peu puis parler de l'expérience. C'est ça, puis ça peut influencer notre manière d'apprécier la suite du parcours, parce que si on fait tout le parcours, bon, on peut échanger après, mais là, à mi-chemin, on va se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on a remarqué, qu'est-ce qui est intéressant, puis là ça peut changer notre façon de vivre la suite, donc voilà, c'est ce qu'on va proposer, petit breuvage chaud. Ben oui, c'est ça, j'ai vu, là, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire des petits cafés brandés ou... Je sais pas s'il y aura de l'alcool, hein? Mais il va y avoir des petits cafés. On ne dirait pas à la radio. Non, c'est ça. Voilà. Mais dis-moi, Ariane, tu dis, c'est les gens d'Avatar qui t'ont approché pour ça, ça a été quoi ta réaction? Ben comment t'as trouvé ça comme demande? J'étais très contente, je trouvais que c'était une belle, en fait, c'était inusité, mais c'est une très belle initiative, puis justement, eux-mêmes disaient, on en fait pas assez ici à Québec de ça. Il y a plein d'artistes qui en font partie. C'est quand même une démarche. On n'est pas les premiers à le faire, mais c'est intéressant de se l'approprier, de s'approprier l'espace urbain dans lequel nous, on évolue de ce point de vue sonore-là. Donc, surtout qu'ici, à Québec, on a droit à la présence du fleuve. Il y a une rivière qui traverse la ville. On a une basse ville, une haute ville. Donc, ça influence aussi la manière dont le son voyage. Quand on est en basse ville, on entend ce qui se passe en haute ville. Donc, toute cette perspective-là. Donc, on a la chance ici à Québec d'avoir une perspective sonore particulière que j'ai découvert beaucoup plus en marchant. Alors là, c'est encore plus intéressant de s'en servir, de l'exploiter. Puis, une belle proposition d'Avatar. J'étais très contente de faire ce projet-là pour eux, avec eux et tout ça. Ouais. En même temps, c'est intéressant parce que ça peut constituer quand même une bonne sensibilisation à qu'est-ce que c'est l'art audio, parce que souvent les gens, on n'aborde pas ça, ben on peut très bien le faire, ça se fait, mais souvent les gens vont avoir un recul ou une crainte, l'impression de pas comprendre, ou se questionnent à savoir qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est de la musique ou non, tandis que là, avec une balade comme celle-là, mais il y a toute cette sensibilisation-là au son qui peut être réutilisée ultérieurement. Absolument, puis on va vraiment dans des sons que les gens connaissent, donc on est dans un univers qui leur est pas inconnu, c'est pas épeurant, c'est vraiment les sons qu'on côtoie au quotidien. Donc, c'est de dire, ah oui, OK, c'est aussi ça, l'art audio. Donc, quand on parle de field recording, ouais. C'est de ça qu'on parle, c'est de ces sons-là qu'on utilise. Ah oui, c'est intéressant. Puis là, d'apprendre à les aimer pour leur qualité plastique ou esthétique. Là, c'est de dire, ah ouais, tel oiseau, il chantait dans cet arbre-là. Bon, là, il y a les oiseaux, mais il y a une multitude d'autres choses qui peuvent ajouter à la poésie de nos balades quotidiennes. Ben oui, c'est ça, mais tu parles de poésie du quotidien, c'est justement dans cette idée aussi juste de s'arrêter puis de prendre le temps. de savourer les choses. Vraiment, puis ça amène une présence à, sans vouloir tomber dans l'idée de c'est quasiment méditatif, là. Il y a quelque chose de, tu vas être présent dans ce qui se passe là, parce que si tu n'es pas attentif, tu ne l'entends pas le son, puis il sera plus là, il s'imprime pas sur ta rétine comme l'image va s'imprimer sur ta rétine. Donc, ça demande vraiment une concentration, puis c'est bien de se donner. C'est un espace pour le faire, donc vraiment un beau moment pour s'arrêter. La promenade, elle n'a pas eu lieu encore, on le disait tout à l'heure, c'est samedi prochain à 13h en face d'Avatar, mais toi, est-ce que c'est quelque chose que déjà tu penses que tu aimerais refaire? Tu me disais tantôt, peut-être le faire en juin ou un autre endroit. Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir à ça? C'est sûr que j'aurais pu faire une promenade de 4 heures là, si j'avais tout écouté mes envies. Là, je pensais aux ruelles de Limoilou, mais là, les ruelles à ce temps-ci, c'est pas très intéressant, mais ça fait longtemps que les ruelles de Limoilou m'inspirent sur le plan sonore. Donc, c'est sûr que c'est un projet là qui me donne une espèce d'élan. Reste à voir qu'est-ce qu'on fera avec ça, mais proposer la même promenade été-hiver, en tout cas, il y a plein de possibilités. Ça pourrait être d'autres artistes aussi qui expérimentent leur propre trajet. Puis là, je découvrirais la ville d'un tout autre angle, dans des lieux bien différents de ceux auxquels moi j'ai pensé. Ben oui, parce que tout est subjectif au final, là, ne serait-ce que l'ordre dans lequel on fait le parcours. Ariane, tu co-animes avec Jean-Pierre Gay l'émission L'Accrocherait. J'imagine que vous en avez parlé, mais est-ce que vous allez comme enregistrer des choses pour les diffuser à l'émission? C'est une excellente idée. On n'a même pas parlé de ça encore, mais peut-être effectivement qu'il pourrait avoir un enregistrement de la promenade. Ça pourrait être une bonne idée. Merci du filon. Ben, ça me fait grand plaisir. On parlait de field recording, justement. Ben oui, absolument. Donc, Ariane Plante, tu présentes, je le répète, ta promenade sonore samedi 16 mars, départ à Avatar à 13h. Mais on préfère, c'est pas obligatoire, mais si les gens veulent s'inscrire sur la page Facebook de l'événement, j'imagine, pour vous donner une idée là, du nombre de personnes, pour les breuvages chauds et tout ça. Exactement. Donc, on le c'est fait. C'est gratuit. Gratuit. Voilà. Ouvert à tous. Donc, samedi, c'est 13h. Merci, Ariane. Merci beaucoup, Julie. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Anouk Desloges. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. KRL. Québec. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio. Je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé que le radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité. C'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'Internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut demander quoi de plus? Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Ce soir à CKRL, de 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Il est 18h précisément, on entame la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde et d'Anouk Deloche qui revient tout juste de Toronto. Bonjour Anouk. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, t'as aimé ton expérience, t'étais à The Artist Project. Exactement, je participais à une exposition de foire d'art contemporain. C'était toujours aussi extraordinaire de voir la communauté de Toronto. T'as envie d'aller vivre, hein? Ah ben là, on en parle par radio, là, je vais me mettre à rêver. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon, revenons à Québec, en fait, plus exactement. Précisément sur la rue Dupont, t'es allé voir l'exposition de Patrick Bérubé au lieu. Oui, qui s'intitule « Ébranlement », et c'est tout qu'un titre qui explique très bien ce qui se passe. Oui, exactement. Oui, alors je me lance. Lance-toi. C'est une intervention in situ. Exact. Si vous connaissez le lieu, vous allez vous rendre compte que l'espace a vraiment été transformé. Il y a vraiment eu des murs qui se sont formés pour cette exposition-là. Alors, quand on rentre, on se croit vraiment dans une salle d'attente. Il y a tout avec des beaux meubles IKEA, avec une rangée de chaises, avec des tables basses, des revues pour feuilleter, horloges, fenêtres. C'est vraiment une salle d'attente. Et puis, tout d'un coup, tout se met à vibrer. Dès qu'on bouge. Oui, dès qu'on bouge, en fait, ça commence par la rangée de chaises, puis ça vibre. Ensuite, les lumières vibrent, les rideaux vibrent. Et puis là, on se demande vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir une catastrophe? Est-ce que ça va exploser? Est-ce qu'on est en train de se faire attaquer? Ça vibre. Oui, c'est vraiment comme une tension. Là. Exactement, il y a vraiment une tension. Et puis là, quand on fait le tour avec ça, déjà qu'on est vraiment surpris par cet ébranlement-là, on fait le tour de la pièce, puis on se rend compte que c'est vraiment la pièce, il y a une fenêtre, puis dans la fenêtre, ce qui représente la fenêtre, c'est une photo avec un oiseau qui serait écrasé dans la fenêtre, puis la vitre est cassée, elle a une fissure à l'intérieur. Il y a des décorations aussi, il y a un poids de 5 livres, comme pour le poids des haltères, de 5 livres avec une grosse croquette dedans, qui était découpé comme s'il y a quelqu'un qui avait fini par la manger. Et puis, quand on continue dans l'autre salle, c'est une petite salle, il y a une petite fenêtre avec de la poussière dedans. Et puis, dans la poussière, on voit à travers vraiment des jeux pour enfants avec, on dirait qu'il y a des cendres qui se passent tout autour de ça. Et puis, il y a de la mousse, il y a des petits tableaux avec de la mousse, poussière, il est écrit Dust, je crois. Donc, c'est vraiment deux espaces très différents. En fait, j'ai eu l'impression que d'un côté, c'était l'événement et de l'autre côté, c'était le résultat. Donc, c'est ce qu'on voit dans les deux salles. Et puis, il y a vraiment une réaction, il y a vraiment quelque chose de particulier parce que c'est une mise en scène, c'est ironique, on a le goût de rire, puis en même temps, c'est tragique. Ouais, c'est ça. On nous fait croire que le lieu semble avoir été perturbé, a été ou sera perturbé par un incident. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est un act of God? We have no idea. Oh! Tu sors ton anglais, donc le questionnement est très, très fort. Oui, c'est ça. Non, parce que j'ai dit act of God, puis ça m'a inspiré ça ici. Et puis, donc, il y a vraiment une création d'un espace, puis on tente de provoquer une situation, puis on cherche vraiment où est-ce s'il y a des pièges, parce que tout a une teneur vraiment très hautement symbolique. Chaque objet veut dire quelque chose. Puis je crois que comme visiteur, comme... pas clientèle, mais je dirais spectateur. Comme c'est exactement ce que je cherchais. Spectateur, on a vraiment, on a plusieurs indices pour nous laisser, pour comprendre ce qui est super apprécié parce que c'est vraiment, je trouve ça très accessible. On peut vraiment comprendre ou essayer de se faire sa propre interprétation. Donc, dans la salle, il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment marqué dans les objets. Il y a une petite boîte qui est faite en verre, puis à l'intérieur, il y a une sonnette comme un piton, puis au mur, il y a un appliqué mural qui ressemble un peu, que ça aurait une forme un peu circulaire, comme un peu comme si ça avait explosé. Donc, on se demande si nous, en tant que spectateurs ou en tant qu'humains, parce que lui interroge beaucoup les actions que les humains font avec leur environnement, est-ce que c'est nous, est-ce qu'on va provoquer cette explosion-là? Est-ce que c'est nous qui provoquons cette situation-là? Est-ce qu'on va le lever? Est-ce qu'on est tenté? Est-ce qu'on est tenté de lever la boîte ou est-ce qu'on le fera pas? Bon, bref, on reste toujours avec on le sait pas. Et puis, il y a deux choses qui sont super intéressantes dans cette exposition-là. Il y a une dimension tragique puis un paradoxe du temps. Il y a vraiment une précarité, fragilité des choses. J'entends par le tragique la vibration, bien sûr, tremblement de terre. Est-ce que c'est une attaque? On en a parlé avec ma citation en anglais en plus. Oui, hein? L'act of God. L'act of God. Ce fameux. Exactement. Donc, le tragique, avec la petite salle d'enfant qui est remplie de cendres ou de poussière, le plexi découpé encore avec l'oiseau, comme si il y avait une perte de contrôle, comme si dans la fenêtre, avec le cadre, avec l'oiseau qui s'est écrasé dans la fenêtre, c'est comme s'il y avait une perte de contrôle de l'œuvre elle-même, comme si l'œuvre voulait surpasser son espace, puis voulait exploser. Ça craque dans le vernis, en fait. Ça craque dans le vernis. Parce que quand on entre, c'est vraiment impeccable, tu sais, visuellement, là. Oui. C'est tout est placé droit, les magazines sont placés droit, tout ça. C'est comme ces craques-là, justement, dans le vernis. Exactement. Puis, ils utilisent dans d'autres expositions que j'ai vues aussi, on dirait que ces sculptures veulent sortir. Justement, tout est très, justement, c'est très propre, c'est très... Mais tout est bien pensé pour que une sculpture réponde à l'autre très doucement, mais vraiment comme s'ils pouvaient pas se contenir de leur propre matière ou de leur propre support. Et puis aussi, j'ai parlé du paradoxe du temps, parce que tout parle, en fait. J'ai l'impression qu'on est dans une salle d'attente, il y a l'horloge. Il y a aussi sur le mur, là, j'ai cherché le mot toute l'après-midi, là, comme un genre d'entonnoir que tu tournes quand tu joues à un jeu, puis là... Un sablier? Un sablier, exactement. Un sablier, mais à l'intérieur, on a l'impression que c'est de la cendre. C'est gris, c'est la couleur, puis c'est un peu bouché aussi, puis on se demande est-ce que il y a un temps, est-ce qu'il y a une durée, est-ce qu'un jour il y a une finalité à ça, tu sais, on a vraiment l'impression, puis moi la cendre, elle m'évoque vraiment la cendre, la maison qui brûle, les cendres humaines, donc on se demande c'est quoi qui va s'arrêter, puis de qui on parle en fait. Donc, puis en même temps, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est tout des magazines Géo, si je me trompe pas, puis il y a les années. Oui, ça commence avec, toutes les, de telle année à telle année, là, puis c'est tout vraiment identifié, là. Oui, exactement. Oui, puis Géographique, National Géographique, en plus, qui représente beaucoup tout ce qui est humain, l'histoire, c'est très anthropologique, historique. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'histoire. Ben, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose avec le temps. Et puis, est-ce qu'on en était victime? Est-ce qu'on en demeure toujours vulnérable? Bref, il y a des interrogations sur notre monde en déchéance. Tout est en vain. Tout est voué à sa fin. La boîte avec le piton dedans, j'en ai parlé, c'est comme si on était victime de nos envies, c'était la dénotation de la fin, la fin du monde ou la fin de notre maison avec les cendres. Puis il y a aussi, en fait, tu dis justement, est-ce qu'on en est victime, est-ce qu'on en prend, on y prend part, tu sais, c'est bon, au-delà de la surprise quand on entre dans la galerie, dans l'espace, en fait, là, dans cette salle d'attente-là, puis qu'on marche, là, oups, tu sais, on fait le saut. Ouais. Puis est-ce que c'est nous qu'ils l'avons parti, ça, ben oui, parce qu'il y a un capteur, mais tu sais, il y a quand même ça. Est-ce que ça aurait roulé tout seul, avec ou sans moi? Tu sais, il y a ça qui peut participer justement à ton questionnement. Exactement, parce qu'en fait, dans sa démarche, on lit qu'il interroge notre comportement et réaction face à différentes situations d'impuissance et de perte de contrôle. Puis là, je me suis vraiment questionnée, est-ce que c'est notre comportement qui l'interroge en tant qu'humain, justement, ou notre comportement en tant que spectateur. Est-ce que moi, est-ce que j'ai rapport dans cette exposition-là? Est-ce que, là, moi, j'ai eu, sûrement que toi aussi, t'as voulu l'essayer. Moi, je me suis assise, là, je me dis, oh my God, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a quelque chose de, je pense qu'il interroge l'humain, mais le spectateur en fait vraiment partie. C'est comme si on faisait un concentré de ce que c'était dans son interrogation. Oui. Exactement. Donc, et puis, plusieurs de ses œuvres, j'ai remarqué en cherchant sur son travail, c'est que plusieurs de ses œuvres-là se retrouvent dans d'autres expositions, puis dans d'autres mises en scène. Puis c'est super intéressant parce que ces œuvres-là sont complètement différentes. Ils ont un sens. Quand tu parles d'œuvres, tu parles, mettons, des chaises ou de l'oiseau. L'oiseau, on le retrouve donc souvent. Donc, il réinterprète son travail antérieur, finalement. Exactement. Mais le cœur, on dirait que le sens de ces œuvres-là garde le même, hein, mais sont adaptés dans un autre contexte. Puis j'avais pas l'impression d'être dans une exposition où est-ce qu'on ramassait nos vieilles œuvres qui traînent dans notre atelier, puis on cherche à les mettre ensemble. Non, ils ont vraiment un autre sens. C'est super intéressant. Par exemple, le poids de 5 livres qui est mangé par une bouchée faisait partie d'une exposition où tout était voué à l'apparence, la perfection, l'exercice, la moto. Donc, tout était très beau, très propre, mais tout était encore voué à l'échec. Il y avait comme le moto, la vitesse, qui était brisée comme s'il y avait eu un accident. C'était le vrai poids de 5 livres était vraiment en acier, là. C'était pas une photo, mais était en acier coupé comme si on travaille, on fait de l'exercice, puis on mange. Finalement, on finit par le manger. Ouais, le poids. Donc, on ressent pas ce sens-là dans l'exposition ébranlement au lieu, mais il y a toute qu'une autre symbolique charge qui arrive, puis c'est vraiment, j'ai vraiment adoré. T'as vraiment adoré, oui, ça paraît, hein? De la misère à l'école. Ouais. À le cacher, c'est ça que t'avais dit? Oui, je voulais le cacher. Ben, pourquoi? Quand on est content, on s'enthousiasme, ouais, puis c'est une très bonne chose. Ben, merci beaucoup, Anouk. Ça m'a fait très plaisir d'aller vivre l'expérience du tremblement de terre au lieu. Voilà, Ébranlement de Patrick Bérubé, c'est présenté jusqu'au 24 mars. On s'en va pour aujourd'hui, on écoute la pièce numéro 8 sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre un extrait d'Audioca, l'album Les Digitales. C'était une suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, je le répète, vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit de ces pièces sur le site laérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission en balado-diffusion. Les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, divers communiqués de presse du domaine des arts visuels. Aussi, si vous avez envie de nous suivre sur Facebook, connaître le menu de l'émission à l'avance et tout ça, ben, allez-y, gâtez-vous. Ça nous fera bien plaisir. On se déplace, on reste toujours dans le quartier Saint-Roch. On passe du lieu et on se rend au complexe pense, Jacques Cartier, puisque Folliculture présente les résultats, disons, de l'atelier Quelque chose derrière ça qui avait été réalisé avec José Landry-Sirois. Bonjour. Bonjour Julie, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Et Céline Marcotte, directrice de Folliculture, bonjour. Bonjour. Bon, premièrement, je pose la question, cet atelier-là, Quelque chose derrière ça, il portait sur quelque chose derrière les apparences, à l'intérieur de nous? Déjà tout de suite, je pense que je me permets, j'ai envie de lire une phrase qui est sur le communiqué, oui. qui fait tout plein de sens, qui commence comme suit. Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière quelque chose, ce que l'on garde derrière nous, sous la peau, dans le cœur, est ici projet au dehors et s'incarne en une nouvelle peau. On se dépouille de nos vieux habits hivernaux en découvrant que nous avons tous une fantaisie bien cachée à l'intérieur de notre doublure invisible. Donc, je pense que ça parle. L'atelier, en fait, l'idée, j'étais allée un peu d'une autre façon. J'ai pris un autre sentier où je travaille d'habitude. C'était plutôt du collage que du dessin. Ouais. Et les participants, déjà, l'atelier a commencé en... Je les ai invités à se coucher sur les tables, sur des grandes feuilles de papier, et j'ai dessiné leur silhouette. Ah, et ouais, à partir de ça, ils devaient se garnir de diverses matières pour finalement faire se magnifier, faire des personnages d'eux-mêmes, faire une couverture, un camouflage, une deuxième peau, si vous voulez. C'est ça, dans le fond, vous les avez invités à faire une mue. Ouais, exactement. C'est comme un serpent, on enlève, et vous parliez des vieux vêtements d'hiver, puis là, on se recouvre de notre nouvelle peau, là. Exact. Mm-hmm. Et Folliculture, Céline Marcotte, c'est pas la première fois que vous travaillez avec José Landry. Non. C'est une histoire d'amitié ou d'intérêt artistique ou de je cherche, mes mots là, mais d'intérêt artistique aussi. Et José nous a fait part à un moment donné de son intérêt à donner des ateliers parce qu'on a l'habitude de donner des ateliers de création à des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc José nous a fait part de son intérêt, puis là on a demandé, alors moi j'ai demandé qu'elle nous propose, qu'elle nous montre des projets, et on a fait Farmani 1 et Farmani 2. Maintenant on est à notre troisième projet avec quelque chose derrière ça. Et José, mais je pense que l'intérêt vient aussi pour les gens qui connaissent pas Folliculture, on travaille à démystifier les problèmes de santé mentale par le biais de l'art contemporain, mais on fait pas de l'art thérapie. Non. Puis moi je suis pas une thérapeute, puis on connaît pas les diagnostics, mais je pense que ce qui fait du sens avec le choix où on travaille ensemble, c'est que je fais pas de l'art relationnel non plus, mais j'aime travailler par le biais de l'art et la rencontre. Voilà. Ouais. L'idée avec les ateliers, c'est d'amener plus loin les gens dans le processus de création. Donc, c'est des gens qui sont déjà intéressés par la création, soit par le dessin ou par toutes les formes de création visuelle. Puis l'idée, c'est de les amener plus loin dans ce processus-là. Et de faire vivre tout le processus au complet, c'est-à-dire de faire la création et de faire la présentation publique après aussi, là, de fait de présenter leur travail. Ah oui, parce qu'il y avait un vernissage. Oui, c'est ça, on avait un vernissage. Comme tous les événements qu'on fait, Folliculture avec carton d'invitation et communiqué de presse. Donc, ça donne une espèce de comment on dirait ça, de caractère officiel ou professionnel. C'est ça, à leur travail. Et comment ils réagissent, les gens, justement? Ben, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que comme les artistes professionnels, on prend des risques, on travaille sur une recherche. Eux aussi font la même chose quand on propose un atelier. Puis finalement, l'enjeu aussi, c'est de se commettre à la fin puis de présenter le travail, comme Céline le dit. Puis je pense que aussi, encore cette fois-ci, Folliculture a réussi à montrer, une des forces de Folliculture est d'amener l'art contemporain dans des lieux inusités, dans la ville, dans la cité. Puis encore une fois, cette fois-ci, les pièces sont présentées dans le complexe Jacques Cartier, qui est justement juste à côté des guichets automatiques et du Jean Coutu dans la bibliothèque Gabriel Leroy. Fait que les pièces, les œuvres s'immiscent dans la cité. Puis c'est presque sournois comme présentation. C'est de là l'intérêt, je pense. Oui, c'est comme si ça se fondait un peu dans le décor, puis que là, ça oblige à, voyons, c'est pas là d'habitude, puis à se questionner finalement, puis à s'ouvrir aussi. Ouais, puis à le présenter aussi à des gens qui vont pas nécessairement dans le réseau de présentation où on présente l'art contemporain. Alors, Puis si on revient un peu aux œuvres qui ont été créées, donc José, tu disais, tu as fait les traits autour des gens selon les postures qu'ils cherchaient à adopter. C'est quand même intéressant, c'est assez révélateur aussi. Pour moi, c'est des noms, je les connais pas ces gens-là, mais j'avais une idée un peu de quelqu'un qui est un farceur ou quelqu'un qui a une personnalité peut-être un peu plus intense ou émotive. Exact. Puis je pense que en fait déjà ce qu'on n'a pas dit c'est que bon on a la silhouette qui est comme garnie de couleurs et de matière, mais où la tête, il y a un trou. Alors les gens, les passants peuvent se aller derrière la pièce où il y a une petite boîte où même les enfants peuvent monter comme sur une marche et mettre la tête dans le trou qui est vide et finalement vêtir une personnalité qui appartient pas à eux mais qui est comme finalement un costume, un déguisement, voilà, puis ça devient ludique. Ça devient finalement, on révèle son intérieur ou bon, tu disais tout à l'heure magnifié, exagéré, puis ça devient comme un masque pour quelqu'un d'autre, à la limite, ou un élément qu'on peut aller chercher en soi-même aussi. Tout à fait. Puis ça devient un jeu aussi. Oui, bon, effectivement. Souvent, j'ai vu pendant le vernissage, mais je suis passée aussi cette semaine pour faire des courses, puis j'ai vu des gens qui allaient derrière et leurs amis avec leur iPhone ou en tout cas téléphone intelligent les photographiaient derrière les pièces. Puis bon, ça devient... je pense que c'est généreux, puis c'est ça qui est intéressant aussi avec l'art. Tu peux te vêtir d'une œuvre aussi. Exact. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est quand je regardais, c'est très coloré. Il y en a une, en fait, qui est plus en noir et blanc. C'est très coloré. Vous êtes allé vraiment vers des fausses pierreries, des plumes, etc. Donc, toute une fantaisie, c'était pour les amener justement à laisser sortir le fou. Oui, on pense même au pinata. Tu sais, il y a quelque chose de... C'était un atelier qui était vraiment près du jeu. Je me répète, là, mais c'était une proposition... ludique, non? Oui, drôle, rigolote, où on se permettait de faire quelque chose sans nécessairement attendre un résultat esthétique ou avoir des attentes, mais plutôt se rencontrer, parler du quotidien, s'extraire de notre quotidien, puis créer une œuvre qui deviendrait drôle, puis qui deviendrait forte par le rassemblement de ces rencontres-là. Mais c'était un atelier, mais est-ce que c'était en plusieurs moments? Combien de rencontres? C'est des ateliers. Il faut dire qu'il faut remercier la Maison des métiers d'art qui nous passe des locaux pour donner nos ateliers. Ça se donne pendant 6 semaines consécutives, un après-midi par semaine. Okay. Donc, il faut que les gens acceptent de venir et soient comme fidèles au rendez-vous à toutes les semaines, parce que c'est vraiment un travail qui est un processus. Donc, quand ils commencent l'atelier, ils savent qu'il faut qu'ils soient là jusqu'à la fin pour participer au processus. Et connaître, comme tu disais tout à l'heure, José, vraiment tout le processus de création. Mm-hmm. Donc là, on crée, on a un après-midi par semaine, mais on continue d'y réfléchir aussi, avec la discussion aussi. J'imagine que les participants devaient discuter entre eux. Puis, oui, autour de leur pièce, mais aussi, je pense que le fait qu'ils venaient 6 semaines, il y avait aussi l'idée de s'acharner. Il y a des semaines où ils étaient pas contents, mais la semaine suivante, ils devaient user de labeur et recommencer et arriver. Le résultat était... Le but était d'arriver à combler sa créativité. Ouais. Dernière question, j'imagine qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, des ateliers, bientôt? À l'automne. À l'automne, on d'autres plus, oui. D'ateliers, probablement aussi des ateliers en art audio. OK. À l'hiver, des ateliers d'initiation à la vidéo d'animation et probablement aussi un autre atelier à l'automne en création. On est en train de discuter de ça. Et d'ici là, qu'est-ce qui va se passer avec Polyculture? D'ici là, ben la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais le 28 mars, on a une conférence. L'art, faut que je me souvienne bien du titre. L'art est-il si gazeux qu'il se dissout dans l'air? Oh! Wow! Sur l'implication sur l'art et l'implication sociale des artistes. Voilà, donc on le rementionnera au calendrier. José, pour toi, qu'est-ce qui s'en vient? Plein de petites choses. Je travaille dans l'atelier surtout. Mais présentement, en fait, on présente un super projet sur lequel j'ai travaillé. La nouvelle création d'Anne-Marie Olivier. J'ai fait la pièce de théâtre avec la trame sonore de Marie-Olivier. Exact. Scalpée. On est à l'aborder jusqu'au 30 mars. Puis, ben, la scénographie, c'est une scéno en dessin, tout en dessin et en suspension que j'ai fait avec une équipe de conception merveilleuse. Voilà, si je me trompe pas. Je le dis comme ça, mais il me semble que Fanny Hennon-Lévy parlera justement de Scalper la semaine prochaine, donc le caractère visuel et sonore. Donc, Céline Marcotte, Josée Landry-Serrois, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, l'exposition Quelque chose comme ça est présentée au hall du complexe Jacques-Cartier jusqu'au 19 mars. On s'en va en dernière pièce audio. On écoute la pièce numéro 10. C'était le dernier extrait de l'album Les Digitales d'Audioka. C'est d'ailleurs les dernières minutes, voire secondes de l'aérospatiale en terminant quelques événements qui s'en viennent. Vendredi 15 mars à 17h, le vernissage de l'exposition Gaspésie Humanless, partie 2 de Yana Ouellet et Guillaume Dessir, qu'on rencontrera justement la semaine prochaine pour discuter de ce projet. Je répète, la promenade sonore d'Ariane Plante, vendredi samedi 16 mars à 13h, en face d'Avatar, et lundi 18 mars à 19h30, le Musée national des beaux-arts reçoit la conférence Claude Tousignant, qui est reçue par le Club des collectionneurs. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je remercie Jacques Gignac, mes invités et mes collaborateurs. Puis, je vous laisse avec Jules Chaumel, je le débaptise, et son émission Folk d'Amérique.